Chapitre 6e. L'hiver s'annonçait comme devant être rude. On n'était qu'à la fin de décembre et depuis plus d'un mois. Un lourd tapis blanc s'étendait sur la résidence où attend la chaussée, s'accrochant aux portes et aux toits des maisons. La ville paraissait ensevelie sous son enveloppe d'argent. Seuls les traîneaux couraient dans la pureté du froid, se signalant par le bruit de leurs grelots, l'empreinte de leurs traces légères effacées par la chute continue de la neige. Dans la grande cour du palais, le quadrige surmontant l'arc de triomphe, les corbeilles de laurier placées à droite et à gauche, les lions rampants au pied de l'escalier d'honneur disparaissaient sous l'uniformité du grand linceul. Ici, où toute circulation était interdite, les rigueurs hivernales offraient un caractère particulier de désolation silencieuse, la tristesse sans appel de la mort. Le palais lui-même, toujours morne et d'aspect maussade, fut-il éclairé par les rayons joyeux d'un soleil de printemps, ressemblait, sous la lueur blafarde de ce ciel chargé de frimas, à quelque vaste prison au seuil de laquelle, tout comme dans le cercle dantesque, devait s'arrêter l'espérance. Et en vérité, ce rapprochement, qui se présentait tout naturellement à l'esprit, était d'une exactitude trop douloureuse. L'espérance ne pénétrait guère dans la demeure royale. La situation, un moment éclaircie, s'assombrissait à nouveau. On essayait à peine de la réaction et déjà on s'effrayait des conséquences. Tout en appliquant le remède héroïque, on doutait de son efficacité. Mais on persistait quand même. La rupture avec Ewald, cette rupture un instant conjurée, était complète, irrémédiable. Le ministère incarnait dans chacun de ses noms la politique de la reine et cette fois, le roi l'appuyait franchement, animé d'une subite et ardente passion contre le libéralisme. Christiane elle-même, Christiane toujours si admirable de bon sens et de modération, semblait prise de vertige, résolue, après tant d'années de résignation patiente, à ne plus rien ménager, à risquer le tout pour le tout. Si l'effort n'aboutissait pas, si les souverains se montraient négligents de leurs promesses, on tomberait, soit, mais on tomberait de toute sa hauteur. Le pays avait accueilli la composition du cabinet avec une stupéfaction mêlée d'incrédulité. Ce n'était pas sérieux. Ces hommes détestés ne se maintiendraient pas 15 jours au pouvoir. Le Parlement les renverserait du premier vote. D'ailleurs, le prince Ewald était là pour les combattre. Et son départ d'Altwalder se racontait avec un luxe de détails d'une authenticité douteuse. On applaudissait à sa protestation désespérée contre le choix des ministres. On rééditait une scène de violence entre lui et Christiane, et de toutes parts, on exaltait le grand sens du prince, on se retournait vers lui comme vers l'homme providentiel. Si Ewald se rendait compte de la popularité dont il jouissait, du moins ne cherchait-il pas à en provoquer les manifestations. Renfermé dans le petit hôtel d'apparence très simple qu'il habitait sur la Fürstenstrasse, il sortait rarement et ne recevait qu'un nombre limité de visiteurs. Ses ennemis s'inquiétaient de cette attitude passive. Évidemment, il travaillait dans l'ombre, mais, toujours habile à donner le change, il cachait sous une inaction simulée ses ténébreuses intrigues. Et le temps passait ainsi au milieu d'agitations fébriles, le malaise s'insinuait partout, les pronostics alarmants se croisaient dans le public, tandis qu'au palais, dans un recueillement attristé, on poursuivait l'œuvre de réaction. Maintenant, Ludmi voyait souvent la reine. Chaque matin, Christiane la faisait venir, heureuse de pouvoir s'épancher à plein cœur sans mesurer ses paroles. Son énergie se retrempait à celle de la jeune fille. Non que celle-ci se permît de donner un conseil, non qu'elle outrepassât jamais son rôle, mais mieux que personne, elle savait ranimer la confiance, écarter les craintes excessives. La reine sortait rassérénée de ses entretiens, ne supposant guère que cette confiance que Ludmi savait si bien lui inspirer, elle-même ne la partageait pas. Depuis quand le doute s'était-il glissé dans son âme? Depuis quand s'était-elle demandé si ce système d'autorité absolue que son père, et après lui, Christiane, envisageait comme le seul possible, n'était pas, après tout, périlleux et inapplicable? Quelle influence mystérieuse s'était donc exercée sur ses convictions? Elle ne savait pas, elle ne voulait pas savoir. Mais à tout instant, elle entendait l'écho des dernières paroles d'Ewald. Je vous jure qu'ils se perdent avec leur politique insensée. Faites quelque chose. Retenez la reine sur cette pente de folie. Mon Dieu, s'il avait raison, s'il était vraiment trop tard pour remonter le courant, si cette résistance tardive allait entraîner la chute, et elle succombait sous l'appréhension de l'âme croyante dont la foi s'obscurcit, qui ne voit plus que mensonge est là, où hier encore, la vérité lui apparaissait éblouissante de lumière. Cette dure épreuve se compliquait d'une autre. Le duc de Leuven l'aimait. Elle, la dernière, ouvrait les yeux sur cet amour qui, depuis longtemps, n'était plus un secret pour personne. Olaf n'avait pas parlé, mais l'aveu tremblait sur ses lèvres, et loin de se réjouir, loin de triompher, elle ne ressentait qu'un inexprimable serrement de cœur. Cette compassion attendrie qui s'empare de vous en face d'une souffrance inutile ou d'une irréparable méprise. Pourquoi la vie était-elle si difficile? Pourquoi les éléments de bonheur qu'elle contenait étaient-ils si épars, si disjoints, qu'ils n'arrivaient jamais à se réunir dans une existence humaine? Si Ludmie eût aimé Olaf, quel destin plus enviable que celui de ces deux êtres? Mais elle ne l'aimait pas, elle ne pouvait pas l'aimer. N'était-ce pas une ironie du sort qui, en les rapprochant, les condamnerait à être à jamais malheureux l'un par l'autre? À jamais. Car le duc n'était pas de ceux qui se reprennent après s'être donné, et il s'était donné tout entier. Il aimerait Ludmie jusqu'au bout, et la place qu'elle refuserait à ses côtés, aucune autre ne l'occuperait. Il vivrait seul en face du cruel problème de sa tendresse méconnue. Et elle? Ah, elle aussi souffrirait, autant que lui, peut-être davantage. En vraie femme, Ludmie redoutait mille fois plus d'infliger une souffrance que de la subir. Brisée par tant de secousses, elle eût voulu fuir la cour, se réfugier dans sa chère demeure féodale. Hélas, là-bas aussi, le tableau était sombre. Rita allait s'affaiblissant de jour en jour. D'espoir de guérison, il n'y en avait plus. Encore quelques semaines, quelques mois, et cette petite âme virginale romprait ses liens fragiles, et elle prendrait son vol au-delà de ce monde de misère. Malgré l'effort constant de sa soumission chrétienne, on sentait, dans les lettres de l'abbé Reichart, que le prêtre se heurtait au mystère de cette destinée, qu'il avait peine à découvrir là l'œuvre de la Providence. Mais, chez l'enfant, il n'y avait ni surprise ni révolte. Dans les quelques lignes que, de temps à autre, elle trouvait la force d'adresser à Ludmie, la note dominante était la joie. Elle attendait, paisible, la contemplation de ce Dieu qu'elle adorait jusque dans ses rigueurs. « Mon seul chagrin est de ne pas vous revoir, » écrivait-elle à Ludmie, « mais vous êtes si loin et le mal va si vite. C'eût été doux de mourir avec ma main dans la vôtre. Vous ne m'auriez pas quitté, je le sais bien, vous qui êtes bonne comme un des anges du paradis. Enfin, je ne veux pas me plaindre. Dieu sait mieux que nous ce qu'il nous faut. Ne pleurez pas sur moi, chère mademoiselle Ludmie. Vous m'avez dit souvent que le monde ne renferme que peine et déception. Ne vaut-il pas mieux que je parte avant de les connaître? Je voudrais vous faire partager l'immense douceur qui remplit mon âme à déborder. » Chère petite Rita, si les larmes de Ludmie coulaient en lisant ces effusions d'une naïveté sublime, n'était-ce pas parce qu'elle se plaignait elle-même plus encore que la petite mourante? Et une protestation douloureuse s'échappait de son cœur. Oui, cela valait mieux. 100 fois, 1000 fois mieux, de quitter la vie avant d'en savoir les tourments et les hontes. La mort est préférable à cette lutte ingrate, sans cesse à renouveler contre soi et contre les autres. Oui, l'enfant avait raison, le ciel lui accordait la meilleure part. Les soirées de l'hiver avaient été fort brillantes. Il importait au pouvoir de détourner l'opinion des questions sérieuses, de l'étourdir par le tapage de plaisirs à grand éclat. Bien que la presse opposante ne se lassa pas de répéter dans un langage qui n'avait rien de neuf, que les classes officielles dansaient sur un volcan, on continuait à danser quand même, et l'arrivée récente d'un archiduc, frère et héritier d'un prince régnant, prêtait une animation et une splendeur plus grandes aux dernières réjouissances du carnaval. Le grand bal de la cour, annoncé pour le lundi gras, devait dépasser en magnificence tous ceux qui l'avaient précédé. C'était une de ces fêtes ouvertes pour lesquels on lançait des milliers d'invitations sans souci des quartiers de noblesse. Une fête à laquelle la portion exclusive de la société n'assistait qu'avec répugnance, par ordre d'en haut, mais qui était un événement capital pour le vulgum pecus, admis à oublier une fois par hasard l'infériorité regrettable du sang pourpre en regard du sang azuré. Et malgré les éléments disparates qui composaient la réunion, le coup d'œil qu'elle offrait n'en était pas moins imposant lorsque l'hymne national s'élevait majestueux et que le roi et la reine paraissaient sous les voûtes étincelantes. Ceux qui assistaient pour la première fois à cette mise en scène, ceux même qui en avaient une longue habitude, ne pouvaient se défendre de je ne sais quel saisissement nerveux à l'apparition de ces jeunes souverains qui, sous leur appareil de gloire, semblaient vouloir dissimuler la fragilité de leur puissance mortelle. On était au soir du bal. Dans ce petit royaume aux mœurs simples, la mode des heures tardives ne s'était pas encore introduite. Dès 9 heures, une foule compacte remplissait les salons, le quadri royal donnait le signal des danses. À 11 heures, la fête battait son plein. Ludmi, docile aux injonctions de la reine, avait dansé à plusieurs reprises. Elle se reposait maintenant, assise à l'extrémité de la galerie, suivant d'un œil distrait les évolutions des valseurs, lorsque le duc de Leuven, se frayant un passage à travers la foule, s'avança jusqu'à elle. « N'avez-vous pas suffisamment rempli vos devoirs officiels ?» lui demanda-t-il. « Ne voulez-vous pas sortir de cette atmosphère surchauffée ? Voyez, nos bons bourgeois s'amusent à merveille. Vous pouvez sans scrupule les livrer à eux-mêmes. » « Je crois en effet qu'ils n'ont pas besoin de nous, » dit Ludmi en souriant, et se levant, elle prit le bras du duc. « J'ai dansé 5 fois de suite, ma conscience ne me reproche rien. »« Venez dans la serre, » dit Olaf, « nous n'y trouverons personne, vous y respirerez plus à l'aise. » Il la guida vers le côté de la galerie qui accédait au jardin d'hiver. Presque désert, ainsi que l'avait dit le duc, il formait un agréable contraste à la cohue bruante de la salle de bal. Une lumière discrète s'infiltrait à travers les feuilles des aloès et des cactus. On percevait un murmure d'eau gazouillante coulant de petites grottes artistement disposées et retombant en cascades minuscules dans des basques d'onyx. Ça et là, de gigantesques plantes, prêtant leur ombre à des sièges rustiques, favorisaient l'isolement du tête-à-tête. « Nous sommes mieux ici, » dit le duc en entraînant la jeune fille sous un groupe de palmiers, dont les larges branches faisaient autour d'eux comme un rempart de verdure. « Vos danseurs n'auront pas l'habileté de vous découvrir dans cette cachette. « Me pardonnerez-vous de vous avoir enlevé ?» dit-il, en se laissant tomber sur une chaise basse à côté d'elle. « J'ai agi en égoïste, mais la tentation était trop grande. Depuis si longtemps, je cherche l'occasion de me trouver seul avec vous. » Un nuage passa sur le front de Ludmi. Elle comprenait trop tard l'imprudence qu'elle avait commise. Olaf allait parler. Elle était en face de l'explication décisive, si cruelle, pour tous deux, car il fallait qu'elle le repoussât, qu'elle détruisît d'un mot les espérances de ce cœur confiant. Il le fallait, mais la tâche lui faisait horreur, elle reculait instinctivement. « Ne parlez pas, » balbutia-t-elle. « Oh, » supplia-t-elle, « ne vous défendez pas de m'entendre. Que vous dirai-je au reste, que vous ne sachiez aussi bien que je le sais moi-même ? Mon amour, ne le lisez-vous pas clairement en moi ? Cet amour, si profond et si sacré, que vouloir le traduire en paroles me semblerait une profanation. Vous souvenez-vous des beaux jours de Carlsbad, si vite envolés? C'est là que j'ai commencé à me bercer d'un songe, un songe si doux que j'aurais voulu dormir toujours. J'ai rêvé qu'il viendrait une heure où vos yeux s'éclaireraient à ma vue, où votre cœur battrait plus vite à mon approche, où ce sentiment unique qui domine mon âme trouverait une réponse dans la vôtre. Oh! « Dites-moi que mon espoir n'est pas une folie, que tout n'est pas illusion dans mon rêve. » Il s'arrêta. Dans l'ardeur de son appel, il cherchait à s'emparer des mains de la jeune fille, à surprendre sur sa bouche l'aveu qu'il implorait. Mais elle, tout éperdue de la souffrance qu'elle allait infliger, ne pouvait prononcer une parole. Relevant enfin la tête, elle tourna vers Olaf un regard désespéré, un regard qui semblait demander grâce. « Ah !» s'écria-t-il avec égarement, « ne me répondez rien. Je comprends que vous ne m'aimez pas. » Une pause s'ensuivit. Des effluves pénétrants se dégageaient des plantes exotiques. Le bruit de l'eau, retombant dans les basques, se mêlait au brouhaha confus qui partait de la salle de bal, et les couples tournaient, ne se doutant pas que là, à quelques pas d'eux, une destinée humaine venait de s'écrouler. Ce fut Olaf qui rompit le silence. « Ne pleurez pas. N'ajoutez pas à ma douleur celle de vous avoir causé une tristesse. Surtout, surtout, ne vous reprochez rien. Je devais me taire. Je devais sentir que le bonheur d'être aimé par une femme telle que vous n'était pas fait pour moi. » Deux larmes brûlaient les paupières de Ludmi. « Ne m'accablez pas, » dit-elle d'une voix entrecoupée. « Ne me prouvez pas trop à quel point vous êtes au-dessus de moi. Combien je suis indigne. » Elle lui abandonna ses mains. Longuement, il y pressa ses lèvres. « Laissez-moi, » ajouta-t-elle. « J'ai besoin d'être seule. Mais sachez-le bien, j'eusse voulu au prix de ma vie vous épargner ce déchirement. » « Je vous aimerai toujours, » dit-il d'un ton si tendre et si ferme à la fois, que Ludmi tressaillit. « À vos heures difficiles, je serai près de vous. Rien ne nous séparera. » Il s'était retiré. Ludmi, toute tremblante, s'efforçait de reprendre possession d'elle-même. Regrettait-elle sa franchise? Non, sûrement. À d'autres, l'hypocrisie et les faux fuyants. Entre elle et lui, il ne pouvait y avoir que la vérité. Quelle qu'elle fût, ils avaient le cœur assez haut pour la regarder en face. Non, elle ne se repentait pas, mais malgré la conscience du devoir accompli, elle se sentait triste à en mourir. Triste comme lorsqu'on pleure quelque être aimé qui ne reviendra plus. Sans doute Olaf resterait son ami. Ne lui en avait-il pas fait la solennelle promesse? Et pourtant, tout était changé. Lui emportait au cœur une blessure inguérissable et elle... Plus que jamais, aujourd'hui, elle devrait marcher seule. Les mains crispées, le regard trouble, elle luttait contre ce courant d'amères réflexions lorsque son attention fut attirée par un bruit de voix à côté d'elle. Machinalement, elle se pencha pour regarder à travers les branches qui la cachaient. Assis à peu de distance et placé de telle sorte que la jeune fille demeurait invisible pour eux, deux personnages chamarrés causaient à demi-voix. Elle reconnut le ministre des Affaires intérieures et le préfet de la police secrète. Évidemment, ils discutaient une question capitale et se croyaient bien seuls. Ludmi se levait pour se montrer à eux lorsqu'une phrase la cloua sur sa chaise. « Vous êtes sûr, » disait le ministre, « que le prince ne se doute pas du coup qu'il menace. » « Toutes les précautions ont été prises, » répondit le préfet. « Je sais, de sources certaines, qu'il n'a jamais songé à mettre ses papiers à l'abri. S'il existe des pièces compromettantes, c'est chez lui qu'on les trouvera. » « Et ces pièces existent, pour moi c'est positif, » reprit le ministre. « Oh, je ne m'abuse pas sur la gravité de la mesure. J'ai eu du mal à l'emporter. Encore est-ce à l'insu de la reine. Une descente de police chez un prince de sang royal, cela ne s'est jamais vu. Peut-être. Mais il fallait en finir avec ce danger sans cesse renaissant. Lorsque c'est une question de vie ou de mort, tous les moyens sont bons. Maintenant que j'ai le décret, je ne veux pas donner au roi le temps de se rétracter. Et si vous réussissez à prouver le complot? Oh, dans ce cas, tout devient facile. Attentat contre le pouvoir, assimilable au crime de lèse-majesté, le prince a beau être prince, il est passible des mêmes châtiments que les plus obscurs mortels. Confiscation de ses biens, privation de ses droits civils, internement dans une forteresse. La loi est formelle et ne souffre pas d'exception. Espérons que vous n'aurez pas à l'appliquer, dit le préfet. Malgré moi, je redoute l'énormité du scandale. Il est inévitable, fit le ministre en se levant. Tout est donc bien convenu. Demain matin, ou ce matin plutôt, car minuit ont sonné, vous serez à 7 heures chez le prince, muni de l'autorisation royale et vous apposerez les scellés. À 9 heures, je vous rejoindrai pour procéder à l'examen des pièces saisies. C'est entendu, répondit le préfet en s'inclinant devant son chef. Les deux hommes s'éloignèrent, se séparant à l'entrée de la salle de bal. Ils étaient déjà loin que Ludmi écoutait encore. Et quoi? Avait-elle bien entendu? N'était-elle pas en proie à quelque horrible cauchemar? Lui, le prince Ewald, soupçonné de haute trahison, menacé dans son honneur, atteint dans sa liberté? Ah, mais ce n'était pas possible. Les gens qui l'accusaient étaient des insensés, des criminels. Il savait bien qu'il n'était pas coupable. Lui, coupable, mais quelle dérision! Comme s'il pouvait l'être. Un frisson de fièvre parcourait les membres de Ludmi. Elle ne raisonnait pas, elle ne jugeait plus, elle ne songeait pas à trouver étrange le revirement qui s'était fait en elle. Du chaos de son esprit surgissait une pensée unique, une pensée qui la prenait tout entière. Evald était en péril, il fallait le sauver, il le fallait, et ce serait elle qui le sauverait. Elle ne s'arrêtait ni aux difficultés ni à l'imprudence de l'entreprise, elle ne voyait qu'une chose, c'est qu'Evald allait périr victime de quelque piège monstrueux, c'est qu'une iniquité était en train de se commettre et qu'il dépendait d'elle de la prévenir. Et à mesure que cette conviction grandissait en elle, le calme succédait à l'agitation. N'avait-elle pas besoin de toute son énergie, de tout son sang-froid? La tête plongée dans ses mains, comprimant les battements furieux de ses tempes, elle rassemblait ses idées, combinait ses moyens d'action. En quelques secondes, elle avait formé son plan, un plan dont la hardiesse l'eût épouvantée à tout autre moment. Mais à l'heure actuelle, il s'agissait bien de timidité, de fausses réserves. Le salut d'Evald était en jeu. Par bonheur, elle pouvait quitter le bal sans être vue. À un des angles du jardin d'hiver, une porte conduisait dans les salons intimes qui, ce soir, n'étaient pas ouverts au public. Ludmi s'y faufila sans bruit. De là, il était facile de gagner le pavillon qu'occupaient les dames et les demoiselles d'honneur. Le sort la favorisait. Sans rencontrer personne, elle put accomplir le long parcours qui la séparait de son appartement. Une heure venait de sonner. Le temps manquait pour changer de toilette. S'enveloppant dans l'eau manteau qui cachait entièrement sa robe de gaze, elle détacha les fleurs et les brillants qui formaient sa coiffure et se couvrit les cheveux d'une mantille épaisse qu'elle laissa retomber sur son visage. Elle était prête. À côté de sa chambre se trouvait un escalier dérobé, aboutissant à une sortie sur la cour intérieure du palais. C'était par là qu'elle comptait s'échapper. Ici encore, toutes les chances lui étaient favorables. Le gardien, préposé à la surveillance de l'escalier, avait déserté son poste. Puis, en raison du bal, les grilles de la cour étaient demeurées ouvertes. D'innombrables curieux se pressaient pour regarder l'entrée et la sortie des voitures. À travers le flot mouvant de la foule, Ludmi put passer inaperçue. Elle était dehors, enfin, sur la place royale au bout de laquelle, dans la Fürstenstrasse, se trouvait la demeure du prince. Une pluie fine et glacée lui fouettait le visage. Un brouillard humide l'aveuglait. Elle était là, seule, sans défense, au milieu des ténèbres, exposée à être suivie ou insultée, et cela ne lui paraissait ni bizarre ni effrayant. Elle marchait droit devant elle, d'un pas ferme, résolue à tout braver. En quelques instants, elle atteignait la maison d'Evald, une maison toute simple à porte basse, dont aucune sentinelle ne gardait l'abord. Evald aimait à s'affranchir des privilèges dus à son rang. D'un regard rapide, Ludmi interroge les fenêtres. Grâce soit rendue à Dieu, elles sont éclairées. Evald est là. Les rideaux levés lui permettent de l'apercevoir sous la lueur d'une lampe, courbée, malgré l'heure avancée, sur sa table de travail. Maintenant, le plus difficile est fait. Elle saura bien arriver jusqu'à lui. Elle soulève le marteau de la porte. Il retombe avec un résonnement sonore, lugubre dans le silence de la nuit. Au-dedans, on entend un va-et-vient de pas, un chuchotement de paroles. Dieu juste, refusera-t-on de l'admettre? Elle trépigne d'impatience. Elle frappe encore. Enfin, la porte s'entr'ouvre. D'un mouvement impérieux, elle écarte le valet qui, muet de surprise, en apercevant une femme, cherche à lui interdire l'entrée. « Je sais que le prince est là, » dit-elle. « Il faut que je le voie sur le champ. » Tout en parlant, elle a regardé autour d'elle. Au milieu de l'antichambre, elle voit une table chargée de papiers et de registres. Elle s'en approche et trace quelques mots sur une feuille volante. « Je conjure votre Altesse de me recevoir. Ludmi. »« Portez cela à monseigneur. Ne craignez rien, je prends tout sur moi. » L'autorité de son accent est toute puissante. L'homme sent qu'il est en face de quelqu'un qui a le droit de commander. Il obéit sans objection. Elle touche à son but et un flot de reconnaissance gonfle sa poitrine. Dieu m'a aidé. Dieu le protégera jusqu'au bout. Une voix retentit à son oreille. Que madame veuille bien me suivre auprès de monseigneur. Pour la première fois, il semble à la pauvre enfant que ses forces vont la trahir. Le sang afflue à son cerveau. Ses jambes se dérobent sous elle. Allons donc, quelle est cette faiblesse indigne? Par un effort surhumain, elle se raidit. Une heure encore. Il lui faut sa vie et sa raison. Plus tard, elle pourra défaillir ou devenir folle. Plus tard, oui, mais pas avant d'avoir parlé. Et c'est la démarche assurée, l'attitude impassible qu'elle se montre à Evald. Il est venu au-devant d'elle. Une stupeur inquiète bouleverse ses traits. Il pressent quelque chose de redoutable. « Vous ici, comtesse ? Que se passe-t-il, mon Dieu ?» Il l'a tirée dans l'intérieur de la pièce. La porte s'est refermée et ils sont seuls, elle, toute blanche d'émotion, lui, la contemplant avec sollicitude, n'osant l'interroger. C'est elle enfin qui élève la voix. Sa parole est nette, pressante. Brièvement, mais sans rien omettre, elle répète la conversation qu'elle a surprise. Au premier mot, Evald a tressailli. Son front s'est chargé de nuages, puis un sourire d'ironie a plissé sa lèvre fine. Peu à peu, il s'est rasséréné, et lorsque l'ennemi s'arrête enfin, lorsque son avertissement s'achève dans une prière, « Au nom de Dieu, Monseigneur, faites quelque chose. Le danger est là. » Ce n'est ni l'indignation ni la crainte qu'elle lit dans ses traits. « Et c'est vous ? » dit-il avec une explosion de tendresse. « Vous qui êtes venu m'avertir, vous ne m'haïssez donc pas, l'ennemi ?» Elle ferme les yeux et recule, comme aveuglée de lumière. Il lui semble qu'un voile se déchire. Si elle a repoussé Olaf, si elle a obéi à l'impulsion irrésistible qui l'entraînait chez Evald, c'est qu'elle a cessé de s'appartenir. C'est qu'elle est tout à cet homme auquel, dans sa démence, elle avait voué une haine éternelle. Mais sous le coup de cette révélation écrasante, elle s'oublie pour ne penser qu'à lui. Hâtez-vous, Monseigneur, le temps presse. Hâtez-vous, au nom du ciel. Et elle le conjure de ses mains jointes. Dans ce mouvement, son manteau se détache et tombe jusqu'à terre. Des frissons parcourent ses épaules découvertes. Elle est devant lui, resplendissante dans l'éclat de sa parure du soir. C'est donc vrai, reprend-il en l'enveloppant d'un regard profond. Vous ne me haïssez plus. Oh Dieu, quel mal peut désormais m'atteindre ? Ah, vous ne savez pas, vous ne saurez jamais ce que j'ai souffert par vous. Je me sentais si lâche contre votre colère. J'eusse voulu me jeter sous vos pieds et attendre là votre pardon. Et maintenant, vous venez me parler de danger, de trahison, d'infamie. Que m'importe tout cela ? Je ne vois qu'une chose, c'est que vous êtes venu pour me sauver. Ah, dites-le, Ludmi, dites que ce n'est pas la pitié seule qui vous a poussé vers moi. Il est à genoux, devant elle, la poitrine convulsée de sanglots, se cramponnant aux plis de sa robe qu'il couvre de baisers furieux. « Ne m'interrogez pas, dit-elle. Ne sondez pas les faiblesses de mon misérable cœur. Songez que le temps presse, que ces hommes vont venir. Voulez-vous donc vous perdre en livrant vos secrets ? Eh, qu'ils viennent ! S'écrie Evald avec violence. « Qu'ils s'emparent de tout, qu'ils torturent les textes et dénaturent mes actes. Les policiers s'entendent à de telles besognes. Ils me trouveront coupable, ils me condamneront. Encore une fois, que m'importe ? Sans vous, sans votre amour, je n'ai que faire de la liberté, je n'ai que faire de la vie. » « Ah ! gémit-elle, vous êtes impitoyable. Serais-je donc ici si je ne vous aimais pas ?» Un rayonnement d'extase illumine les traits du prince. « Vous m'aimez ? Vous m'aimez ? » Répétez-la encore, cette parole bénie. Il se relève et la tire à lui d'un mouvement passionné. « Ne craignez rien, » ajoute-t-il. « Aimé par vous, je serai fort, je serai prudent. Les preuves qu'ils cherchent, je vous jure qu'ils ne les trouveront pas. Mais, entendez-le bien, cette liberté que je vais défendre, sans vous, je la rejette. Sans vous, elle ne m'est d'aucun prix. Nous nous aimons. Sentez-vous l'enchantement que renferme cette parole. Eh bien, nous partirons ensemble. Je vous emporterai dans mes bras, loin, bien loin de ces hontes et de ces souillures. Nous nous cacherons au fond de quelque retraite ignorée de tous. Voyez, Ludmi, toute ma vie est en vous, tout mon bonheur. Vous n'avez plus le droit de m'abandonner. » Sa supplication s'éteint dans les larmes. Un long silence se fait. Tout à coup, Ludmi se redresse et, debout devant lui, les mains jointes, le visage irradié de passion. « Je vous appartiens, » dit-elle lentement. « Je n'ai de volonté que la vôtre. »